بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc alhamdulillah, nous poursuivons inshallah l'explication du chapitre باب المسح على الخفين, le chapitre sur l'essuyage donc des خوفs. Donc nous avions vu lors du dernier cours qu'il était permis d'essuyer sur les khoufs, que c'était une rukhsa, donc une dérogation. Nous avions expliqué qu'est-ce qu'une rukhsa, à l'encontre de la rukhsa, il y a la azima. Nous avions expliqué aussi qu'est-ce qu'une azima. Donc il est permis, inshallah, dans la législation, d'essuyer sur les khoufs. En gros, on avait développé les preuves concernant le fait de pouvoir essuyer sur les khoufs, ainsi que sur Al-Jawarab, qui est la chaussette épaisse. Et on a développé le fait que l'on ne peut pas essuyer sur les chaussettes, comme le font beaucoup de musulmans aujourd'hui, sur les chaussettes contemporaines, qui sont des chaussettes fines. Concernant la manière d'essuyer sur les khoufs, comment est-ce que l'on essuie ces khoufs ? An Ali radiallahu anhu qal, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والدارقطني. علي رضي الله عنه dit, si la religion fonctionnait selon la logique, selon la raison pure, il dit le bas du khouf serait plus à même d'être essuyé que son dessus. Et j'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le dos de ses khoufs. Et j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le dessus de ses khoufs. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ad-Darqutni. Donc comment est-ce qu'on essuie son khouf? D'abord, quelle est la partie que l'on essuie? C'est le haut du khouf, de l'extrémité des orteils, des pieds, jusqu'à la cheville. Ce qui est en dessous, donc le talon, le pied, ceci on ne l'essuie pas. On n'essuie pas le talon qui se trouve donc derrière, la partie qui se trouve derrière, on ne l'essuie pas, c'est pas légiféré, parce que ça n'a pas été rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam, et de même le dessous ne doit pas être essuyé. Donc on essuie le dessus. Seulement, certains ont dit qu'il est recommandé d'essuyer le bas du khouf. Et ça demande un texte. Parce que l'essuyage des khoufs, c'est quelque chose qui est ghayru ma'qulil ma'na, dont on ne comprend pas les sens et les causes. Pourquoi est-ce qu'on doit essuyer le dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas essuyer en bas? Pourquoi est-ce que pour le résident, on a le droit d'essuyer 24 heures et pour le voyageur 72 heures? Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas les hilal, les causes de ces législations-là. Donc le qiyas et le ra'i, donc le raisonnement, n'entre pas dans cette porte-là. Donc on essuie le dessus. Comment? En faisant passer sa main, donc de l'extrémité des orteils, en la remontant jusqu'aux chevilles. Et d'une manière générale, tant que le dessus du khouf est essuyé, et la majorité du khouf est essuyé, c'est un essuyage, inshallah, qui est valide. Car la sunna n'a pas rapporté de manière précise. Il y a un hadith, mais qui est faible, hadith al-khutut, le hadith des traits, selon lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, essuyait ses khoufs, l'essuyage des traits, c'est-à-dire en écartant ses doigts et en les passant. Et c'est la manière que la majorité des savants préconisent. Donc d'écarter les doigts et de passer la main sur le khouf en partant donc des orteils en montant jusqu'à la cheville. Et pourquoi l'écartement des doigts est préconisé même si le hadith est faible? Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir passer sur la majorité du khouf. Mais le hadith reste faible, wallahu a'lam. Et concernant le fait donc d'essuyer avec la main droite sur le haut du khouf et la main gauche sur le talon, ça aussi ce n'est pas légiféré. Et celui qui essuie seulement le bas du khouf, son essuyage il est invalide, il n'est pas valide, même si certains savants disent qu'il a essuyé une partie du khouf, donc c'est bon. Non, parce que le char, la législation a dit d'essuyer le haut, et celui qui essuie en bas il a fait un essuyage qui est une bid'a, qui est une innovation. Et qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wa salam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait donc une action dont il n'a pas reçu l'ordre, ici en l'occurrence donc le fait d'essuyer le bas du khouf, il n'en a pas reçu l'ordre, il n'a aucune preuve, fa huwa rad, ceci est réfuté, donc son essuyage est invalide. Donc le khouf est essuyé et il n'est pas lavé. Le fait de laver le khouf, ça aussi ce n'est pas légiféré. Ce n'est pas légiféré. Donc celui qui lave son khouf, donc qui fait couler de l'eau sur le khouf sans passer les mains sur le khouf, ce n'est pas valide. Ce n'est pas un essuyage, car c'est un lavage. Et donc c'est l'équivalent d'un lavage du pied au-dessus duquel il y a une barrière, ne permettant pas à l'eau d'atteindre la peau. Donc en réalité c'est un lavage invalide. Si jamais il fait couler l'eau et qu'il passe ses mains sur le khouf, Inch'Allah, c'est valide car il y a essuyage et plus, et lavage en plus. Donc le lavage, il ne devait pas être fait, mais l'essuyage a eu lieu, donc il y a essuyage, Inch'Allah, des khouf. Mais s'il y a seulement lavage, certains savants ont dit que c'est un essuyage et plus. Non, ce n'est pas un essuyage et plus, c'est simplement un lavage. Donc Allah a'alam. L'essuyage n'est pas, ce lavage ne valide pas un essuyage, et donc il n'y a pas rafa, le hadeth n'est pas enlevé. Concernant le fait d'appliquer at-tayammun, qui est le fait de commencer par la droite, puis la gauche, dans l'essuyage des khoufs. Donc est-ce que j'essuie mes deux khoufs en même temps, ou bien d'abord le khouf droit, puis le khouf gauche? Allah a'alam, les savants sont larges à ce niveau-là. Certains disent que tu peux, d'autres ont dit que tu ne peux pas. Ceux qui disent que tu peux, c'est en se basant sur les hadiths que l'on avait vus auparavant de Aïcha, notamment radiyallahu anha, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam aimait commencer donc par la droite lorsqu'il mettait ses sandales, lorsqu'il se coiffait et lorsqu'il faisait sa purification et dans toutes ces situations. Donc at-tayammun, le fait de commencer par la droite, c'est quelque chose qui est recommandé dans toute action. Dans l'essuyage des khoufs, certains savants le préconisent. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, dans son Majmou' al-Fatawa, dans le 10e tome, il dit: As-sunnah an yabda'a bir-rijl al-yumna qabla al-yusra kal-ghasli. Il dit la sunnah, donc concernant l'essuyage des khoufs, c'est de commencer par le pied droit avant le pied gauche, comme le lavage. Hein? Tout comme lorsque tu laves tes pieds, tu commences par le pied droit et ensuite tu laves ton pied gauche. De même, lorsque tu essuies tes khouf, selon le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il fait partie de la sunnah, donc d'essuyer son pied droit, puis essuyer son pied gauche. Il a dit ensuite, فَإِذَا مَسَحَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجْلَ الْيُسْرَى بِالْيَدِ الْيُسْرَى فَلَا بَأْسَ. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit que la sunnah, c'est de commencer par le pied droit avant le pied gauche, tout comme le lavage. S'il essuie le pied droit, donc le khouf droit, avec la main droite, et qu'il essuie le khouf gauche avec la main gauche, il dit il n'y a pas de problème s'il commence par la droite. S'il commence par la droite, il n'y a pas de mal à essuyer le pied droit, donc avec la main droite, et le pied gauche avec la main gauche, s'il commence par la droite. Il dit « Wa in masahahuma jami'an bil yad al yumna » et s'il essuie les deux pieds avec la main droite, ou bien les deux pieds avec la main gauche, il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas parlé, lui, d'essuyer les deux khoufs en même temps dans sa fatwa. Il n'a pas parlé d'essuyer les deux khoufs en même temps dans sa fatwa. Ce qu'a préconisé Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a même rejeté, lui, le fait de respecter le tayammun, donc de commencer par la droite avant la gauche dans l'essuyage des khoufs. Ça reste large, wallahu a'lam. Celui qui essuie d'abord le khouf droit, puis le khouf gauche, ou bien essuyer les deux khoufs en même temps. Et lorsqu'on va essuyer les deux khoufs en même temps, obligatoirement, on va utiliser la main droite pour le khouf droit et la main gauche pour le khouf gauche. Inch'Allah, c'est acceptable. Wallahu a'lam. Donc, on revient au texte de l'imam Ibn Qudama, rahmatullahi alayhi, qui dit « Il dit « Fit taharatis sughra » Donc, il avait dit « Yajouzul mas'u ala al-khoufain » Il est permis d'essuyer sur les deux khoufs « Wa ma ashbahahuma min al-jawarib » As-safiqa, et sur ce qui leur ressemble comme jawarib, épais, donc comme chaussette épaisse, allati tathbutu fil qadamayn, qui reste stable, donc dans les deux pieds, wal jaramiq, al jaramiq c'est un type de khouf, c'est un khouf court, allati tujawizu al ka'bayn, qui dépasse les deux chevilles, il dit fit taharati sughra. Donc il est permis d'essuyer sur tout ce qui précédait dans la petite purification. Dans la petite purification. Donc, ce n'est pas permis dans le ghusl. Dans le ghusl, qu'il soit de Al-Janaba ou bien pour le Haïd, donc d'essuyer sur ses khoufs et sur ce qui a précédé comme Jawrab ou autre. Quelle est la preuve de cela? An Safwan ibn Assal radiallahu anhu qal Amarana النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه رواه أحمد وابن خزيمة صفوان بن عسال رضي الله عنه دي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'essuyer sur nos khoufs si nous les avons fait pénétrer, donc c'est si nous les avons mis en état de purification. 3 jours si nous sommes en voyage et 1 jour et 1 nuit, donc 24 heures, si nous sommes en état de résidence, et de ne pas les enlever à cause, donc, min ra'itin, c'est la défécation, wala baul, ni à cause de l'urine, donc du fait d'avoir uriné, là il est en train de citer des hadith, des annulatoires, des ablutions, wala naum, et ni à cause du sommeil, wala nakhla'uhuma, donc et de ne pas les enlever, et de ne pas les enlever, illa min janaba, si ce n'est à cause de la janaba, qui est donc la grande impureté, rapportée par Ahmed Ibn Khuzaym. Donc Safwan ibn Assal dit que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de ne pas enlever les khouf, donc de pouvoir essuyer s'il y avait perte d'ablution à cause du ra'it, la défécation, ou le baul, ou bien l'urine, ou bien an-nawm, le sommeil. Donc il n'était pas ordonné d'enlever les khouf à cause de cela, mais en revanche il dit il leur ordonnait d'enlever leur khouf à cause de la janaba, donc pour pouvoir se purifier d'el janaba. Il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. Donc il n'est pas permis de garder ses khoufs et de faire son ghusl, donc son bain rituel, et d'essuyer sur ses pieds. Ça, ce n'est pas permis, car c'est une rohsa qui ne pénètre pas, donc elle ghusl, le bain rituel. Contrairement au plâtre que l'on verra ensuite, qui est une azima et non pas une rohsa, qui n'est pas une dérogation, il est permis, inshallah, d'essuyer sur son plâtre ou un bandage ou autre, même lors du ghusl, avec les conditions que nous citerons, inshallah, dans ce cours. Donc il dit, Ibn Qudama, rahmatullahi alayhi, fit taharati sughra, dans la petite purification, yawman wa laylatan lil muqim, un jour et une nuit pour le résident, wa thalathan lil musafiri, et 3 jours pour le voyageur. Quelle est la preuve de cela? Le hadith de Safwan ibn Assal, que l'on vient de citer à l'instant. Donc nous répétons la partie qui nous intéresse concernant cette règle-là, qui est le fait de pouvoir essuyer 24 heures, donc un jour, une nuit pour le résident, et 72 heures, 3 jours avec leur nuit pour le voyageur. Il a dit, An-namsaha, donc Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné An-namsaha ala al-khufayn, d'essuyer sur les khuf, idha nahnu adkhalnahuma ala tahr, si on les a fait. Donc on a mis nos deux pieds dedans en état de purification, 3 jours, idha safarna, si nous sommes en voyage, wa yawman wa laylatan, et un jour et une nuit, idha aqamna, si nous sommes en état de résidence. Donc pour la personne qui est en état de résidence, il est permis d'essuyer pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Pour celui qui est de voyage, pendant 72 heures, 3 jours et 3 nuits. Et ça c'est le madhab Hanbali, et c'est l'avis le plus authentique, c'est certain, qui est en accord avec les textes. À titre simplement informatif, dans le Madhab Maliki, il n'y a pas de délimitation de la durée. Tu peux essuyer toute ta vie sur les khouf. Tu fais tes ablutions, tu les mets, tu peux essuyer jusqu'à la mort. dans les khouf, et ils se sont appuyés sur un hadith qui est faible, qui se trouve dans le Muwatta de l'imam Malik, le hadith d'Abi Imara, radiyallahu anhu, qui a demandé au prophète, alayhi salatu wa salam, est-ce que je peux essuyer sur mes khouf? Il a dit oui. Il a dit une journée, il a dit oui. Il a dit et deux jours, le prophète a répondu oui. Il a dit et trois, il a dit oui, wa ma shi'it. Oui, et tant que tu veux. Mais le hadith est faible selon le consensus des savants, comme a dit l'imam Nawawi, c'est un hadith faible selon le consensus des savants. Et les hadiths ici sont extrêmement clairs et ils sont très nombreux, donc préconisant le fait de pouvoir essuyer un jour, une nuit, 24 heures pour le résident, 3 jours, 3 nuits, 72 heures pour le voyageur. Il dit « min al-hadathi ila mithli » à partir du hadath, jusqu'à donc ce moment-là, 24 heures après pour le résident, ou bien 72 heures après pour le voyageur. Donc quand est-ce que commence la période d'essuyage du khouf, quand est-ce que tu commences à compter tes 24 heures ou bien tes 72 heures, c'est à partir du hadith dans le mazhab Hanbali, c'est l'avis majoritaire. C'est à partir du moment où tu perds tes ablutions. Et cet avis-là, c'est l'avis, inshallah, qu'on va adopter, qu'on va garder, même s'il y a d'autres avis, je ne veux pas trop élargir dans la divergence. Certains disent que c'est à partir du moment où tu mets ton khouf que tu commences à compter la période, et d'autres disent à partir du moment où tu essuies ton khouf après avoir perdu le hadith, donc le premier essuyage après la perte de ta purification. Ça, c'est un autre avis. Nous, ce que l'on retient, inshallah, c'est que la période commence à partir du hadith. C'est l'avis majoritaire, c'est l'avis du madhhab. Et nous, on sort du madhhab que si jamais il y a un avis tranchant, clair, fondé sur un dalil, vraiment clair, montrant la quasi-nullité donc de l'avis du madhhab Hanbali. Mais si ce n'est pas le cas, on reste selon le madhhab, car ce sont des paroles d'ijtihad qui sont acceptables, inshallah. Et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de savants, même la majorité, Allah a'lam, toujours préconisent le fait que la période commence à partir du hadith. Il a mithli. Donc jusqu'à l'heure équivalente donc de ce moment-là, au bout de 24 heures pour le résident, ou bien 72 heures pour le voyageur. Donc on illustre. Quelqu'un met ses khouf après la prière de dhuhr. Donc il a ses ablutions, il a fait la prière de dhuhr avec ses ablutions, il est en état de pureté, et il est pieds nus. Après le dhuhr, il met ses khouf. Après la prière du dhuhr, il met ses khouf. Donc il est 14h30. À 16h, il perd ses ablutions. À 16h, le lundi, il perd ses ablutions. Il est résident. Il peut essuyer sur ses khouf jusqu'à mardi 16h. Il met ses khouf. Donc après avoir fait ses ablutions, à 10h du matin. Il perd ses ablutions à 11h du matin, il peut essuyer jusqu'au lendemain à 11h du matin, pour celui donc qui est en résidence. Pour quelqu'un qui est de voyage, donc il perd ses ablutions après avoir eu les khouf, donc au pied, à 11h le lundi. Il peut essuyer sur ses khouf jusqu'à 11h jeudi. Donc il a 72 heures, il a 3 jours et 3 nuits. Donc l'imam a dit ensuite li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yamsahu al-musafiru thalathata ayyamin wa layaliyahun, le voyageur essuie donc sur ses khouf 3 jours et 3 nuits, wal muqimu yawman wa laylah, et le résident un jour et une nuit. Le hadith est rapporté par Muslim. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, wa mata masaha thumma qadat al-mudda aw khala'a qablaha batala at-taharatu. Il dit donc, rahmatullah alayhi, que lorsque la période se termine, les 24 heures pour le résident ou bien les 72 heures pour le voyageur, la purification est annulée. Donc la personne perd ses ablutions. Aw khala'a qablaha, ou bien qu'il enlève ses khouf avant que la période ne se termine, de même la personne perd ses ablutions. Et ça, c'est la parole dans le madhhab Hanbali. Donc, dans le madhhab Hanbali, lorsque on a essuyé sur nos khouf et que les 24 heures sont terminées pour le résident, les ablutions sont annulées. La personne perd ses ablutions. Et lorsqu'on essuie sur nos roufs en état de voyage et que la durée donc des 72 heures se termine, les ablutions sont perdues. La purification s'en va. La personne n'est plus en état de pureté. Ça, c'est la parole du madhhab. Wallahu a'lam. Même si concernant le dalil, le plus sûr, c'est qu'il n'y a pas perte des ablutions dans les deux cas. Qu'il n'y a pas perte des ablutions dans les deux cas. Et c'est la parole de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, et c'est le choix d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Que lorsque l'on a terminé donc la période de 24 heures pour le résident, ou bien de 72 heures pour le voyageur, il n'y a pas perte des ablutions. Pourquoi ? Parce que l'essuyage sur les khoufs, en état de résidence comme en état de voyage, a enlevé le hadith. Il a enlevé le hadith. Et enlever les khoufs, ce n'est pas un hadith en soi. Enlever les khoufs, ou bien la fin de la durée, ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas quelque chose qui annule les ablutions. Et si on veut qualifier cela comme étant un hadith, il faut un texte. Il faut un texte. On n'a pas de texte disant, hein, de manière claire, que lorsque tu enlèves tes khoufs, tes ablutions sont perdues. Ou bien de même que lorsque la période est terminée, tes ablutions aussi s'en vont. On n'a pas de texte clair par rapport à ça. On n'en a pas. Le texte, il dit qu'il n'est plus permis d'essuyer après 24 heures pour le résident. Les autres, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient ? Ils disent que lorsque la purification est établie d'une manière législative, donc par le texte ou par le ijma', le consensus, alors on ne peut enlever cette purification aussi que par la législation. Donc par un texte clair. Et il n'y a pas de texte clair concernant cela. Wallahu a'lam. Donc concernant ces deux notions, on les reprend. Le fait. Donc concernant la première. Lorsqu'il y a fin de la période, 24 heures, pour le résident, donc 24 heures après le hadith, hein, ou bien 72 heures après le hadith, qui a eu lieu après avoir mis ses roufs, pour le voyageur, 72 heures. Donc, à la fin de cette période-là, est-ce que l'on perd nos ablutions ? Oui, selon le madhhab. Et c'est l'avis à prendre, Allah alam, en considération, par sûreté. Même si au niveau du dalil, l'avis le plus sûr, c'est qu'on ne perd pas nos ablutions. Et celui qui veut considérer qu'il n'a pas perdu ses ablutions, Allah alam, qu'il le fasse. Et concernant le fait d'enlever les khoufs, d'enlever ses khoufs avant la fin de la période. Je fais mes ablutions, je lave mes pieds, je fais mes ablutions de base, sans essuyer sur les khoufs. Je mets ensuite mes khoufs. Si je les enlève avant le hadith, ici il n'y a pas perte d'ablution, selon aucun savant. Il n'y a pas perte d'ablution. Je fais mes ablutions à 11h. Je mets mes khoufs tout de suite. À 11h30, donc de 11h à 11h30, je n'ai pas perdu mes ablutions et je n'ai pas essuyé sur les khoufs. J'enlève mes khoufs. Je ne perds pas mes ablutions, selon aucun savant. Maintenant, je fais mes ablutions à 11h, en lavant mes pieds. Je mets mes khoufs tout de suite. Je perds mes ablutions à 11h30. 11h30, je perds mes ablutions. À 11h30, je refais mes ablutions en essuyant sur mes khoufs. À midi, j'enlève mes khoufs. C'est ici qu'a lieu la divergence. Dans le madhhab, je perds les ablutions. Selon l'avis d'Ibn Taymiyyah Ibn Hazm, qui est le plus sûr et le plus... le plus fondé sur les règles de la sharia, c'est qu'il n'y a pas de dalil permettant de dire qu'il y a perte des ablutions. Il dit وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامْ. Et celui qui essuie ses roufs en état de voyage, ثُمَّ أَقَامْ, puis qu'il devient résident, أَوْ مُقِيمًا, ou bien qu'il est en état de résidence. Il a mis ses roufs et il les a essuyés en état de résidence. Puis qu'il part en voyage, il est en résidence, et ensuite il part en voyage, il essuie donc l'essuyage d'un résident, c'est-à-dire qu'il compte sa période comme étant en état de résidence. Il a dit waman masaha, mais ce qui est pris en compte nous donc dans le madhhab, c'est le hadath. Lui, il ne veut pas dire par là qu'il prend en considération le fait d'essuyer. Ce qu'il prend en considération, c'est le hadith. Donc, quelqu'un qui est en état de résidence, il est chez lui, dans la ville où il habite. Il fait ses ablutions en lavant ses pieds, il met ensuite ses khouf. Il perd ses ablutions en ayant ses khouf, il perd ses ablutions. Et part ensuite en voyage. Est-ce qu'il lui est permis donc de décompter la durée comme étant quelqu'un en voyage, ou bien il doit décompter la période comme étant quelqu'un en résidence? Ici, ce qui est cité, c'est qu'il doit décompter donc la période comme étant en état de résidence. Pourquoi? Parce que la période ici, elle est à cheval entre la résidence et le voyage. Et la base dans la personne, c'est la résidence. La base dans la personne, c'est la résidence. Donc ici, on a un doute. Est-ce que la rukhsa, la permission, elle prend le statut donc de la résidence, qui est l'état dans lequel était la personne au début, ou bien elle prend l'état donc secondaire qui a eu lieu après, qui est l'état de voyage? Une règle que disent les fuqaha, ash-shakku fi ar-rukhas yujibu ar-ruju'a ila al-asl. Le doute dans les dérogations implique le retour à la base. Là, on est dans le doute. Est-ce qu'il peut essuyer donc en décomptant une période de voyage? Donc la base, c'est revenir donc à un décompte comme s'il était en état de résidence. Même si certains savants ont dit que l'essuyage ici, ce sont des adorations qui sont chacune isolées l'une de l'autre. Elles sont isolées l'une de l'autre. Donc, s'il a perdu ses ablutions en état de résidence et qu'ensuite il part en voyage, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Et le voyageur peut essuyer 72 heures. » Donc l'essuyage, il a lieu en état de voyage, il peut donc maintenant décompter 72 heures. Ça, c'est si on regarde l'essuyage. Si on regarde cette unité-là qui est l'essuyage. Mais nous, là, est-ce qu'on regarde l'essuyage ou bien l'unité de temps? C'est l'unité de temps. Et l'unité de temps, elle est à cheval entre la résidence et le voyage. Et ceux qui disent qu'il peut essuyer 72 heures, même après avoir été résident et avoir perdu son hadith en état de résidence, ils disent c'est comme la prière. La prière, si jamais tu es donc dans la ville où tu habites et que l'heure du dhuhr est entrée et que tu pars ensuite en voyage une fois que tu as dépassé donc les derniers bâtiments de ta ville, tu veux faire le dhuhr, tu fais 2 rakat ou 4? C'est la majorité 2, même si certains disent que tu reviens à la base et c'est le plus sécuritaire. Même si la majorité disent que tu fais 2, Allah Alam fait 4, c'est le plus sécuritaire, car ta prière, elle est pas valide chez certains. Et il reste ce point-là du fait que tu étais en état de résidence lorsque tu étais interpellé par l'obligation de la prière du Dhuhr. Mais la majorité disent que la prière du Dhuhr ici, elle peut être faite 2 rak'at. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en voyage, désormais tu es dans un statut qui te permet donc de faire 2 rak'at au lieu de 4. Mais là, nous, ce que l'on considère, c'est pas l'essuyage tout seul, c'est la période. Là, la prière, elle n'est pas à cheval entre la résidence et le voyage, la prière du dhuhr. Elle est faite de manière totale en état de voyage, donc tu l'as fait à 2 rak'at. Mais là, nous, qu'est-ce que l'on analyse? L'essuyage, ou bien on analyse la période à prendre en considération pour l'essuyage? C'est la période que l'on prend en considération. Elle est à cheval. Donc le vrai raisonnement, c'est celui qui est cité par les savants, qui est quelqu'un qui est en état de résidence et qui commence la prière de dhuhr dans un véhicule qui va ensuite démarrer, et qui va sortir de la ville et il n'a pas encore fini sa première raka, est-ce que ici il lui est permis ensuite de faire deux raka ou il est obligé de continuer quatre raka parce que sa prière est désormais à cheval entre la résidence et le voyage? Il a fait la takbirat ihram en état de résidence. Et ensuite, il est en voyage. Ça peut arriver, ça, pour un prisonnier ou quelqu'un. C'est l'heure du dohor, le dohor va sortir. Ils le prennent et le déplacent rapidement avec le gyrophare. Et sortent de la ville. Ils l'amènent à centre pénitentiaire, je ne sais où. Et il est encore dans la première rakat. Et il a entendu. Ils l'ont dit, on part sur Lyon. Donc il arrive à la sortie de la ville maintenant. Il n'a pas fait la première rakat. Est-ce qu'il passe à deux rakat parce qu'il est maintenant en état de voyageur ou il reste à quatre rakat? Il reste à quatre rakat. Parce que la ibadah est à cheval sur deux états, la résidence et le voyage. Et ici, on a vraiment le doute sur la roursa. Et c'est le cas à prendre en considération ici pour le décompte de la période. Il dit de même celui qui est en voyage. Donc lui, il décompte 72 heures à partir de son premier hadith après avoir mis ses khouf. Il décompte 72 heures. Mais s'il rentre chez lui, qu'il redevient en situation de résidence, il doit revenir à un décompte de résident. S'il lui reste une période, donc, qu'il peut encore essuyer, s'il n'a pas dépassé 24 heures lors de son voyage. Donc, quelqu'un qui était en voyage, qui a mis ses khouf et qui a perdu ses ablutions, donc un hadith a eu lieu, le lundi à 11h. Il rentre le lundi soir à 23h chez lui. Il a été combien de temps en voyage? 12h. Donc arrivé en résidence, il doit décompter désormais sa période comme étant résident. Et il lui reste combien de temps à essuyer? 12h. Si jamais il est resté 2 jours en voyage, ou bien 3, ou bien une journée, arrivé au premier bâtiment de la ville, sa période, désormais, elle s'est écoulée de manière totale. Et il doit enlever ses khoufs. Car on a dit que dans le madhab, il perd les ablutions. Arrivé au premier bâtiment de la ville, il perd ses ablutions. Selon l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Hazm, qu'on avait dit qui était le plus solide en termes de preuves, il garde ses ablutions, mais la période est aussi terminée pour eux, car il a fini donc ses 24 heures pendant son voyage. Donc arrivé dans la ville, il doit revenir à un décompte de résident qui est de 24 heures et il les a écoulés lors de son voyage. Il dit ensuite rahmatullah alayhi wa yajuzul mashu ala al-imama, et il est permis d'essuyer sur le turban. Donc après avoir analyser l'essuyage des khoufs, du jawrab, de al-jurmouq, le cheikh rahmatullah alayh, donc, va évoquer un autre vêtement sur lequel il est permis donc d'essuyer, qui est le turban, qui est un vêtement qui était porté par le prophète alayhi salatu wassalam et par les Arabes de manière générale à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le turban? Qu'est-ce que al-imama? Al-imamatu sumiyat bidhalika li'annaha ta'ummu ar-ra's. L'imama a été appelée ainsi parce que elle remplit la tête. Ça vient de l'expression ta'ummu ar-ra's, elle remplit la tête. Donc c'est un vêtement qui est fait d'un long tissu que l'on entoure autour du crâne, tout seul ou bien avec une qalansuwa, ce qu'on appelle nous la chachia, entre guillemets aujourd'hui, la taqiya. Donc on entoure la tête avec ce tissu-là, et ce tissu recouvre la globalité de la tête. Si ce n'est certaines choses qui ont l'habitude de rester à nu, comme le côté donc de la tête, les cheveux qui sont sur les côtés, ainsi que an-nasiya, le toupé, hein, les cheveux qui sont au niveau de la racine du front, mais le reste est complètement recouvert. Et la imama, elle est composée de akwar, akwar qui est le pluriel de kaur, qui sont les spirales formées par le turban. Et le turban au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il était de différents types. Il y avait plusieurs turbans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, quelle est la preuve qu'il est permis d'essuyer sur sa imama, sur le turban? C'est le hadith de Mughira, al-Mughira ibn Shu'ba. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين رواه مسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions. Il a essuyé sa nasiya, donc son toupet qu'il avait, les cheveux qu'il avait au niveau de la racine du front, donc qui était à l'air libre et non pas recouvert par la imama, et sa imama et ses deux khoufs, rapporté par Muslim. Donc l'essuyage sur l'imama, sur le turban, est légiféré selon ce hadith, et il y en a d'autres. روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. الخلال, il rapporte, donc avec une chaîne de transmission jusqu'à Omar رضي الله عنه, que ce dernier a dit, celui dont l'essuyage sur la imama ne le purifie pas, celui que l'essuyage sur la imama ne le purifie pas, qu'Allah ne le purifie pas. C'est-à-dire c'était quelque chose qui était considéré par Omar comme légiféré, et de nombreux sahaba radiyallahu anhum considéraient cela comme étant légiféré, et il n'y a pas de mukhalif, de personne qui va à leur rencontre parmi les sahaba. Donc c'est quelque chose qui est équivalent à un ijma'. Wallahu a'lam. Donc, al-amaim, qui est le pluriel de imama. Le pluriel de imama. On dit aussi immatun. Immatun. Imamatun. Et le pluriel, c'est amaimu. Donc, elles sont au nombre de trois catégories. La première, c'est al-muhannaka. Al-muhannaka. Al-hanak, ma tahta al-dhaqni, comme qu'a al-jawhari, rahmatullah alayhi. La première, c'est al-muhannaka, celle dont une partie de la imama passe sous le menton. Al-hanak, c'est ce qui se trouve, c'est la partie là, donc qui se trouve en dessous du menton. Les Arabes donc entouraient le turban au-dessus de la tête et prenaient une partie et enroulaient, donc faisaient des tours en dessous de leur menton. Cette imama là, c'est al-muhannaka. On appelle ça al-muhannaka. Quelle est une queue, donc une zu'aba, qu'elle ait une queue lâchée derrière ou qu'elle n'en ait pas, du moment qu'il y a donc une partie de la imama qui vient faire le tour en dessous du menton, elle s'appelle muhannaka, et il est permis d'essuyer sur ce type de imama. Et il est permis d'essuyer sur ce type de imama. La deuxième, dhatu dhu'aba, et c'est celle qui a été citée par Ibn Qudama rahimahullah, celle qui comporte une dhu'aba. Donc il y a une partie, donc une queue entre guillemets, qui est lâchée donc derrière au niveau du dos, entre les deux épaules, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il est permis aussi d'essuyer sur ce type de turban. Et ces deux turbans-là étaient les turbans que portaient les Arabes au temps du prophète alayhi salatu wassalam. On a un troisième turban qui est as-samma'u. As-samma'. Qui est le turban donc qui est enroulé sur la tête, qui ne comporte pas de dhu'aba, de queue au niveau des épaules, et qui non plus n'est pas donc enroulé en dessous du menton. Et ce turban-là, il y a divergence sur la permission d'essuyer dessus ou non. Et dans le madhhab, il n'est pas permis. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas permis, donc dans le madhhab, d'essuyer sur ce type de turban? Pour deux raisons. La première, parce que ce n'était pas la imama des musulmans. C'était la imama de Ahli Zimma, des gens du livre chrétien juif, donc qui étaient sous la gouvernance des musulmans et qui donnaient al-jizya, donc l'impôt, pour pouvoir profiter de droits et devoirs sous l'état musulman. Et c'était ce type de imama que portaient ces gens-là. Même il est rapporté que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, faisait couper la queue à Ahli Zimma pour qu'ils soient reconnus, pour qu'on les reconnaisse par cette imama-là. Donc cette imama, c'est la imama de Ahli Dhimma, donc des gens du livre à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le premier point. Donc il n'est pas permis d'essuyer sur ce turban-là. Pourquoi ? Parce que mettre ce turban-là, c'est une ressemblance aux gens du livre, et la ressemblance aux gens du livre, par une spécificité qui leur appartient ici en l'occurrence, la imama ne comportant ni queue et n'étant pas muhannaka, donc ne passant pas sous le menton, c'est une interdiction, c'est interdit. Et la rohsa, on avait vu dans le cours précédent, la dérogation, il n'est pas permis d'utiliser la rohsa pour pouvoir faire une désobéissance. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait quelque chose dont il n'a pas reçu l'ordre, donc essuyer sur une imama dont le port est interdit parce qu'elle est spécifique aux gens du livre, فهو رد, ceci est réfuté. La deuxième raison pour laquelle les savants interdisent aussi le fait d'essuyer sur ce turban-là, c'est parce que لا يشق نزعها. Il n'est pas difficile de l'enlever. Il n'est pas difficile de l'enlever. Et la imama sur laquelle l'essuyage a eu lieu au temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'est parce qu'il y avait cette notion là. C'est un vêtement qui est difficile à enlever, lorsque tu l'enlèves il se défait, etc. Après c'est difficile de le refaire. Donc la rohsa est venue dans ce sens là. Wallahu a'lam. Mais d'autres disent qu'il n'y a pas de réelle preuve pour l'interdiction sur l'essuyage de ce type de imama. Et l'ahwat, c'est de rester sur la parole du madhab inshallah, et de ne pas essuyer sur ce type de imama, car la tradition al-urf, ce qui est reconnu comme tel, donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ça doit être pris en considération. Lorsque le rapporteur dit que le prophète alayhi salatu wassalam a essuyé sur la imama, ce n'est pas sur n'importe quel imam, c'est sur la imama qui était la imama, le turban des musulmans au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le plus sûr, c'est de ne pas essuyer sur ce type de imama, même si ce n'est pas un vêtement qui est présent quasiment aujourd'hui, notamment ici, mais le point est toujours à utiliser. Wallahu a'lam. Est-ce que l'imama, ça fait partie de la sunna ou pas? Mettre le turban, est-ce que ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salat wa salam? Donc ça se ramifie sur le fait, est-ce que donc les gestes du prophète alayhi salat wa salam tous entrent dans la législation? Est-ce que le geste du prophète alayhi salatu wassalam, de manière isolée, il est recommandé, il est mustahab? Ceux qui disent que oui, et qui disent donc que la imama est une sunna, et que celui qui la met, il a fait quelque chose de recommandé, il s'appuie sur la généralité donc du verset de Al-Ahzab, de Surat Al-Ahzab, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. » Il y a certes dans le messager d'Allah un bon modèle لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ, pour celui qui espère en Allah et le jour dernier. Donc le verset est venu est général, et il englobe tout ce qui est en lien avec la vie du prophète alayhi salatu wassalam, même ce qui est donc qui relève de choses mondaines où a priori il n'y a pas eu législation par la parole, où la législation n'était pas visée par le geste. Ceci entre quand même dans le mustahab selon certains savants. D'autres disent que non, ça relève simplement des traditions des Arabes de l'époque, et que le prophète alayhi salatu wassalam ne visait pas la législation par ça, et que simplement il a fait cela parce que c'était la tradition de l'époque. فَاللَّهُ عَلَمْ, celui qui fait ça par sunnah يَعْتَقِدُ هَذَا فَاللَّهُ عَلَمْ لَا يُنْكَرُ عَلِي, il n'y a pas de reproche à lui faire. Il y a beaucoup de savants éminents et qui sont soucieux d'être en accord avec la sunna, préconisent cela et disent que le turban fait partie de la sunna, que c'est quelque chose de recommandé. Celui qui le met, en tout cas, même s'il n'a pas la croyance que c'est une sunna, que c'est recommandé en termes jurisprudentiels, mais qui le fait par amour, alhamdoulilah, c'est permis. C'est permis par amour. Et donc après, on a encore un autre point qui se ramifie là-dessus. Est-ce que l'on entre dans le vêtement de la shohra, qui est le vêtement interdit donc par le prophète alayhi salatu wassalam, le vêtement par lequel on vise d'être différent des autres, de la masse parmi laquelle on vit? Est-ce que le fait de mettre une sunna ça permet encore de qualifier le vêtement comme étant interdit parce qu'il est différent de la masse. Une fois que le statut de sunna est établi, non, il ne peut pas y avoir interdiction de ce vêtement-là, même si tu es le seul à le mettre. Sauf s'il y a l'intention. Alors à ce moment-là, c'est l'intention qui vient ici donc confirmer l'interdiction. Si quelqu'un donc pense que mettre le turban, c'est sunna, parce que pour lui, tout ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam, c'est une sunna. Le fait de mettre un izar, c'est une sunna. Le fait de mettre des sandales comme les amis, c'est une sunna. Les cheveux, mettre les cheveux jusqu'aux épaules, c'est une sunna, etc. Ces choses-là sont pour lui une sunna. Est-ce qu'il lui est permis de mettre les sandales du prophète alayhi salatu wasalam dans une ville où personne ne l'aimait, de mettre un turban comme le prophète alayhi salatu wasalam dans une ville où personne ne met le turban et où il va se différencier de manière claire? Oui, c'est permis si pour lui c'est une sunna. C'est pour lui, c'est une sunna. Car une fois que la sunna donc du vêtement est établie, il ne peut plus être un vêtement de shohra. En revanche, pour celui qui ne pense pas que c'est sunna, mais il veut le mettre comme ça parce que quand même le prophète l'a mis, et donc par amour et simplement par le fait de vouloir lui ressembler, mais sans avoir le credo que ce vêtement-là est une sunna, si jamais ça le différencie de manière catégorique, il ne le met pas. Il ne le met pas. Et ces deux personnes-là, donc celui qui croit que le turban c'est sunna et celui qui croit que le turban ce n'est pas sunna, les deux, s'ils mettent ce vêtement-là dans l'intention de se différencier et d'être connu et reconnu par ce turban-là, on dit c'est l'homme au turban, on reconnaît la personne en le qualifiant par le fait que c'est un porteur de turban, là les deux sont dans le péché, il est interdit pour les deux. Il est interdit pour les deux personnes de mettre le turban. Donc il dit wayajuzul mashu ala al-imamati, il est permis d'essuyer sur le turban idha kanat dhata dhu'abatin, si jamais elle porte une queue. Donc si jamais elle porte donc une partie qui est lâchée au niveau des épaules dans le dos derrière. Et aussi la muhannaka, il est permis d'essuyer sur la muhannaka qui était un turban porté à l'époque du prophète alayhi salat wa salam par les Arabes et ainsi que les musulmans. Et dit ensuite satiratan li jami'i ar-ra's, si jamais elle recouvre toute la tête. Si jamais elle recouvre toute la tête. Pourquoi? Parce que ça c'est un bedel, c'est un remplaçant. Et le bedel ya'khudhu hukma mubdali, et le remplaçant prend le statut de son remplacé. Et on avait dit qu'il est obligatoire d'essuyer tous les cheveux de la tête. Et que c'était la vie que l'on avait choisie et qui est la vie le plus authentique. L'essuyage de la tête lors des ablutions, il est valide que si on essuie tous les cheveux. Donc, toute la tête. Donc, de même, le turban doit recouvrir toute la tête. Car il prend le statut, donc, du remplacé qui est l'essuyage de la tête. Illa ma jaratil adatu bi kashfi. Sauf ce qui est donc laissé à nu, comme ça à l'air libre, donc habituellement. Donc, lorsque les Arabes mettaient le turban à leur époque, lorsque même le prophète alayhi salatu wasallam mettait son turban, il laissait les oreilles à l'air libre. Il laissait aussi les cheveux, donc qui sont proches des oreilles, cette partie qui se trouve sur les côtés de la tête, à l'air libre. Et de même le toupet, la racine des cheveux au niveau du front, était à l'air libre. Donc ces endroits-là ne doivent pas être recouverts de manière obligatoire. Ils ne doivent pas être recouverts de manière obligatoire. Donc comment est-ce qu'on essuie le turban? Il n'y a pas de manières qui ont été rapportées par les hadiths, par les hadiths de manière claire. Mais habituellement, donc qu'est-ce que disent les savants? Donc on humecte ses deux mains et ensuite on essuie le turban en commençant par devant et en passant sur les côtés, en écartant les mains, en allant jusque derrière. C'est ainsi que essuyer le turban. Et il faut essuyer la majorité du turban. Essuyer la majorité du turban. Car essuyer tout le turban dans toutes ses parties, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible avec l'aquar, avec les spirales que forme le tissu, c'est quasiment impossible. Essuyer le toupet, donc la racine des cheveux au niveau du front, Aussi, ça fait partie de la sunna, car le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait, mais ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. C'est recommandé. Essuyer les oreilles aussi, c'est recommandé et pas obligatoire. Essuyer ses oreilles après le turban. Car ce n'a pas été rapporté dans les hadiths. Mais on reste sur la base des ablutions, qu'essuyer les oreilles, ça fait partie donc des ablutions. Et on avait dit qu'essuyer les oreilles, c'était une sunna dans le madhhab et non pas une obligation. Il dit ensuite, وَمِنْ شُرُوتِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ أَنْ يَلْبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ. Il dit, et parmi les conditions pour pouvoir essuyer sur tout cela, donc sur les khoufs, sur Al-Jawrab, sur Al-Imama, sur toutes ces vêtements qui ont été cités auparavant, أَنْ يَلْبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ, qu'il les ait mis, donc qu'il les ait mis en état de pureté complète, après avoir fait une purification complète. Donc concernant les khoufs, on avait parlé de cela lorsqu'on avait évoqué les conditions pour pouvoir essuyer sur les khoufs lors du cours dernier. On avait dit qu'il faut, pour pouvoir essuyer sur ces khoufs, les avoir mis en ayant fait une purification complète. Donc il faut les avoir mis après avoir lavé tous les membres qui doivent être lavés lors des ablutions. Et on avait dit donc qu'il n'était pas permis d'essuyer sur les khoufs si le khouf droit avait été mis dans le pied droit avant que le pied gauche n'ait été lavé. Donc si quelqu'un lave donc tous ses membres et arrive au pied droit, il lave le pied droit. Il met son khouf droit et ensuite il lave le pied gauche et met le pied gauche. Est-ce qu'il a ses ablutions? Est-ce qu'il a ses ablutions? Oui. La question c'est, est-ce qu'il a ses ablutions? Il a ses ablutions. Mais est-ce qu'il peut ensuite, après avoir perdu ses ablutions, essuyer sur les khoufs? Oui ou non? Non. Non. Pourquoi? Parce que le khouf gauche n'a pas été mis en état de pureté. D'accord? Quelqu'un fait ses ablutions, arrivé au pied droit, il met son khouf droit. Il lave le pied droit, il met son khouf droit. Le pied gauche est encore sec. Il lave le pied gauche et met son khouf gauche. Est-ce qu'il a ses ablutions? Oui. Oui, il a ses ablutions chez tout le monde. Il a ses ablutions. Il perd ses ablutions ensuite. Est-ce qu'il peut essuyer sur ses khoufs là? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis ses khoufs en état de pureté. Il a mis le khouf droit au pied droit, alors que le pied droit n'a pas perdu son hadith. Car le hadith est quelque chose d'indivisible. Le hadith est indivisible. Lorsque je lave donc trois fois mes mains, ma bouche, mon nez, mon visage, mon bras droit, mon bras gauche, est-ce que après avoir lavé mes bras, je peux toucher le Coran? Alors que le fait de toucher le Coran sans les ablutions, c'est interdit. Est-ce que je peux toucher le Coran avant d'avoir lavé mes pieds? Et je dis, le hadith de la main est enlevé. Le hadith s'est enlevé progressivement, il reste dans les pieds mais pas dans les mains. Non. Le hadith, qui est une qualité notionnelle présente dans le corps, est indivisible. Donc c'est une fois que j'ai lavé mon pied gauche, après avoir lavé mon pied droit, que le hadith est parti. Le hadith, soit il est dans tout le corps, soit il est absent. Et il est indivisible. Et on avait cité donc le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Da'huma » lorsque Al-Mughira ibn Shu'ba a voulu enlever donc les khoufs du prophète alayhi salatu wa sallam pendant qu'il lui versait l'eau pour qu'il fasse ses ablutions, il est venu pour... Il s'est abaissé pour enlever les khoufs du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit, da'huma, laisse-les, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. J'ai entré mes pieds, donc j'ai mis mes khoufs, alors que mes deux pieds étaient en état de pureté. Donc ça, c'est concernant al-khoufain. Al-jawrabain aussi, il faut obligatoirement les mettre après avoir fait une purification totale. Et lorsqu'il dit kamila ici, l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit « ala taharatin kamila » après une purification totale, c'est simplement dans le sens du ta'kid, ça. C'est dans le sens de l'insistance. Ce n'est pas une qualification de la purification pour montrer qu'il se peut qu'elle soit incomplète. Il n'y a pas de purification incomplète. Quand il dit « taharatin kamila », elle est obligatoirement « kamila ». Et c'est dans le sens de l'insistance. Donc selon l'auteur, aussi le turban, il doit être mis en état donc de pureté. Et ceux qui ont dit cela, ils l'ont dit par qiyas, raisonnement sur le khouf. Par raisonnement sur le khouf. Et on a dit que l'essuyage sur les khouf, غير معقول المعنى. On ne comprend pas le sens de toutes ces choses qui ont été légiférées, toutes ces notions-là. Pourquoi on essuie le haut, pas le bas? Pourquoi est-ce que la durée, c'est 72 heures pour le voyageur? Pourquoi c'est pas 5 jours pour le voyageur, 6 jours? Pourquoi c'est pas un jour et demi? Pourquoi pour le résident, c'est pas une demi-journée? Ou bien c'est entre Dhuhr et Asr? Ça, on ne peut pas l'expliquer. Et aucun savant ne peut donner l'explication, la cause de cela. Les sagesses, peut-être, mais les causes. Allah alam, on n'a pas de réelle cause. Donc, on n'en comprend pas le sens. Donc, raisonner l'imama, faire un raisonnement sur le khouf, donc donner des règles qui appartiennent au khouf à l'imama, comme ça par raisonnement, Allah alam, ça ne peut pas entrer dans ce type de chapitre-là. Soit, donc le conditionnement de la pureté, d'avoir mis la imama en état de pureté et cité dans la sunna, dans le Coran ou la sunna de manière claire, ou soit on laisse donc on laisse la notion large comme elle a été apportée large, générale dans, donc dans la législation. La imama, elle a été donc apportée dans la sunna comme étant essuyée par le prophète alayhi salatu wassalam, et le conditionnement de la mettre en état de pureté n'a pas été rapporté. Donc Allah alam légiférer cela, l'ilmu indallah, demande d'alil. Donc ce n'est pas une condition d'avoir mis sa imama en état de pureté, mais par prudence, celui qui veut conditionner cela, Allah alam, hada ahwat, c'est plus sûr, wallahu alam. De même concernant at-taqit, donc délimiter la période d'essuyage sur le turban à 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur, est-ce que c'est à prendre en considération pour l'essuyage de turban? Certains savants disent oui, toujours en qiyas, en raisonnement par rapport au khouf. Et Allah a'lam, c'est tout comme le fait de conditionner la pureté pour pouvoir essuyer sur le turban. Allah a'lam, il n'y a pas de preuve considérant cette chose-là. Allah a'lam. Donc il n'y a pas de délimitation dans la durée sur le fait d'essuyer sur le turban. Mais celui qui veut par précaution utiliser les 24 heures pour le résident, 72 heures pour le voyageur, c'est une parole qui est prise en considération par beaucoup de savants. Et Allah a'lam, ça peut être le plus sûr, mais il n'y a pas de délil concernant cela. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit ensuite, rahimahullah, وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ, et il est permis d'essuyer sur Al-Jabira. Qu'est-ce que Al-Jabira? Al-Jabira, donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'était des bois, des morceaux de bois qui étaient utilisés pour donc réparer les fractures qui avaient lieu au niveau du bras, de la jambe. Donc c'était des morceaux de bois qui étaient mis autour de la fracture, et un morceau de tissu était entouré pour tenir ces morceaux de bois et garder l'os dans une position afin que se soude ce dernier. Donc c'est le plâtre aujourd'hui, El Gipsu, le plâtre qui existe aujourd'hui. C'est le plâtre qui existe aujourd'hui. Le plâtre est l'équivalent de cette chose-là. Il dit, وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَ, et il est permis d'essuyer sur Al-Jabira. Donc l'essuyage sur Al-Jabira, est-ce que c'est une rukhsa, une dérogation, une azima? C'est une azima, car tu n'as pas le choix. Tu es un plâtre, on ne dit pas qu'il t'est permis. Il t'est en réalité obligatoire, tu ne peux pas l'enlever. Donc c'est ce qui t'est demandé à ce moment-là, donc c'est essuyer sur ton plâtre. Donc, al-mas'u 'ala al-jabira, c'est quelque chose qui est légiféré. Quelles sont les preuves de cela, qu'il est permis d'essuyer sur al-jabira? On n'a pas de hadith authentique préconisant cela. Tous les hadiths qui ont été rapportés considérant l'essuyage sur al-jabira sont des hadiths qui sont da'ifs, qui sont faibles. Il y en a un premier qui est connu, qui est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, qu'on appelle hadith al-shajja, le hadith donc de la blessure. Ça, c'est un nom de hadith, il faut connaître ça, c'est une culture jurisprudentielle. N'importe quel étudiant, tu dis hadith al-shajja, il sait que c'est ce hadith là tu dis hadith al-mas'i ala al-khufayn, il sait que c'est le hadith de Mughira ibn Shu'ba. Des hadiths qui portent des noms comme ça. Donc il faut, Inch'Allah, à force d'écouter dans les cours, essayer d'intégrer cela, biiznillahi azzawaj. Donc qu'est-ce que dit Jabir radiyallahu anhu? Il dit, kharajna fi safarin, fa asaba rajulan minna hajarun, fa shajjahu fi ra'sihi, ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والدارقطني وضعفه وابن حجر كذلك الحديث ضعيف. Donc Jabir radiallahu anhu, il dit, nous sommes sortis en voyage et un homme parmi nous donc a été blessé au niveau de la tête par une pierre. Une pierre l'a frappé à la tête et il a été blessé. Puis il a été en état donc de grande impureté. Il a demandé à ses compagnons donc de route, est-ce que vous trouvez pour moi une dérogation pour pouvoir faire le tayammum? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit, mais najidulaka rukhsatan. On ne trouve pas pour toi de dérogation, wa anta taqdiru ala al-ma, alors que tu peux utiliser l'eau. La personne a fait donc son bain rituel et il est mort. Et lorsque il dit, nous sommes rentrés donc chez le prophète alayhi salat wa salam, il a été informé de cela et il a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue, ils l'ont fait mourir, qu'Allah les fasse périr. Alasa'alu idha lam ya'lamu. Pourquoi n'ont-ils pas demandé, questionné, alors qu'ils ne savaient pas? فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالِ. Car la guérison de l'ignorance est la question. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ. Il lui suffisait. Donc jusque-là, il y a certains savants qui authentifient ce hadith. Jusqu'ici, jusqu'à إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالِ. La guérison donc de l'ignorance est la question. Donc jusqu'ici, il y a des savants qui disent que c'est authentique. Ensuite, cette ziyada, cet ajout qui arrive, la majorité disent que c'est un hadith qui est faible. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَنْ يَتَيَمَّمَ. Il lui suffisait de faire le tayammum. وَيَعْصُرَ أَوْ قَالَ يَعْصِبَ. Et il lui suffisait donc d'entourer sa blessure خِرْقَةً. Donc un morceau de tissu. ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا. Et d'essuyer dessus. وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ. Et de laver le reste de son corps. Le hadith rapporté par Abu Daoud et Ad-Darqutni, mais il est faible. Dans un autre hadith qui est carrément maudou', mensonger, batil, عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه وفيه عمر بن خالد الواسطي وهو كذاب. Selon Ali, donc Ali رضي الله عنه dit, donc une de mes deux zendeï, qui sont les os là, qui sont au niveau du poignet. Il dit, un de mes deux os au niveau du poignet, donc soit le radius ou le cubitus, l'extrémité au niveau du poignet de l'un de ces deux os, donc c'est brisé. J'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a ordonné d'essuyer sur al-jaba'ir, qui sont les morceaux de bois entourés d'un morceau de tissu. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, il y a dans la chaîne de transmission Amr ibn Khalid al-Wasiti, qui est un menteur. Donc le hadith est maudou', mensonger. Mais la sharia témoigne de cela. La législation, elle témoigne que l'essuyage est un remplacement du lavage lorsqu'il y a impossibilité. Donc c'est la vie dans le madhab. D'autres disent que c'est at-tayammum, que tu fais le tayammum. Lorsque tu as un plâtre, que tu fais tes ablutions complètement, et que après tes ablutions, tu fais le tayammum, qui est le fait de frapper la pierre ou bien la terre, et ensuite laver son visage, puis les deux mains jusqu'au poignet, avec l'intention que ce tayammum-là, il est en remplacement donc du membre qui ne peut pas être lavé parce qu'il est recouvert d'un plâtre. Dans le madhhab, nous, on choisit toujours cette parole-là, on ne sort pas du madhhab, sauf s'il y a une raison valable, et tout cela relève de l'ijtihad, celui qui fait ses ablutions complètes et qui ne lave pas son bras droit, par exemple, sur lequel il y a un plâtre, et après avoir lavé les deux pieds, il fait le tayammum avec l'intention que ce tayammum-là est là, est fait pour remplacer le lavage du bras droit, parce qu'il est en plâtre et qu'il ne peut pas le laver, alhamdoulilah, c'est valable ça. Tout ça, ça relève de l'ijtihad. On n'a pas de texte tranchant clair. Ça se repose simplement sur des règles, des qawaïd de la sharia. Et nous, la règle que l'on prend, c'est que le remplacement à la base du lavage dans la sharia, souvent, c'est l'essuyage. Et les autres disent, comme il n'y a pas possibilité d'utiliser l'eau en termes de lavage, et que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Ma'ida, dans le verset d'al-Ma'ida, il renvoie au tayammum lorsqu'il est impossibilité d'utiliser l'eau, ce qui est le cas ici, on ne peut pas l'utiliser en tant que lavage, on fait le tayammum. Et les deux paroles sont valables. Nous, on reste sur l'essuyage. On reste sur l'essuyage, Inch'Allah. Donc, lorsque quelqu'un a un plâtre, il doit essuyer ce plâtre-là. Lorsque le plâtre se trouve au niveau donc d'un membre qui doit être lavé. Cet essuyage, il se différencie de l'essuyage sur le khouf, bien sûr, la imam. Il faut essuyer tout le plâtre. Tout le plâtre. Car il remplace donc la peau qui devait à la base être lavée entièrement. Donc on n'essuie pas le dessus du plâtre simplement. Il faut essuyer le plâtre de manière complète. Comment est-ce que doit être mis ce plâtre-là? Comment est-ce que ce plâtre doit être mis et quelles sont donc les règles à respecter? Donc il dit, rahimahullah, qu'il est permis d'essuyer sur le plâtre si jamais lorsque il est posé, il ne dépasse pas donc l'endroit du besoin. Donc lorsqu'il y a fracture dans une personne, ou bien blessure, et qu'il y a besoin de poser un plâtre, ou bien un pansement, car le pansement ici prend le statut du plâtre. Donc lorsqu'il y a pose d'un plâtre ou bien d'un pansement, il faut mettre ce plâtre-là ou bien ce pansement-là sur la blessure, ou bien sur la fracture, et ne pas dépasser, donc la longueur minimale qui est préconisée par le médecin pour pouvoir, Inch'Allah, atteindre la guérison. Donc il n'est pas permis de mettre un pansement de 8 cm si jamais le minima requis est 6 cm. Si le médecin dit qu'un pansement de 6 cm suffit sur la blessure, rajouter 1 cm à gauche et 1 cm à droite pour donner un total donc au pansement de 8 cm, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Sauf s'il y a obligatoirement un ajout. L'ajout est obligatoire pour pouvoir permettre donc à ce plâtre ou à ce pansement d'atteindre son objectif. La fracture, on a l'os, il est fracturé de 3 cm. Du début à la fin de la fracture, à 3 cm. Donc le plâtre, il ne doit pas obligatoirement faire 3 cm. Il y a des centimètres qui sont à prendre dans une extrémité et dans l'autre extrémité. Donc le plâtre va peut-être faire 8 cm ou 10 cm. Parce que le plâtre ne doit pas obligatoirement être superposé à la fracture. De même le pansement. Lorsque quelqu'un a une blessure, donc il fait 1 cm de longueur. Est-ce qu'il doit recouvrir donc au millimètre près la blessure et mettre 1 demi-centimètre donc à gauche de la blessure et 1 demi-centimètre à droite? C'est interdit. À la base, c'est interdit. Mais si jamais pour que le pansement soit stable et qu'il reste donc dans la durée et que l'objectif qui est la guérison soit atteint, on a besoin de ce 2 demi-centimètre à gauche et 2 demi-centimètre à droite, oui, alors à ce moment-là, il est permis. Car la sharia dit, al-iznu bi shay'i iznun bi lazimi. La permission pour quelque chose, elle est une permission pour son implication. Et donc ces ajouts-là sont une implication du pansement ou bien du plâtre, et en font partie intégrante. Donc on revient au cas de celui. Concernant celui qui met un plâtre, ou bien un pansement dont la longueur est supérieure au minima donc nécessaire. Et de manière majoritaire, les personnes se voient mettre un plâtre ou un pansement et ne sont pas souvent en état de pouvoir juger tous ces critères-là. Ils n'ont pas leurs esprits, parfois ils sont inconscients ou autres. Donc si jamais une personne a mis un plâtre de 20 cm alors qu'un plâtre de 12 cm suffisait, il est obligatoire pour cette personne d'enlever ce plâtre-là. Et si jamais cette personne-là essuie sur ce plâtre qui est supérieur à la longueur nécessaire, donc minimale requise, son essuyage est invalide ainsi que ses ablutions. Mais si jamais le fait d'enlever ce plâtre-là implique un mal pour la personne, alors le plâtre donc doit rester et il est permis d'essuyer donc même sur cet ajout-là. Et donc la règle qui régit cette notion-là, donc le fait de mettre un pansement ou bien un plâtre d'une longueur nécessaire et pas plus, c'est la règle c'est que la nécessité elle doit être évaluée donc selon le besoin. Le besoin est de 8 cm, il est interdit de mettre 10 cm. Sauf si jamais il faut un ajout donc nécessaire qui prend à son tour le statut donc de la base qui est ad-darura, il devient à son tour aussi une nécessité. Donc il dit wa yajuzu al-mas'u 'ala al-jabira, il est permis d'essuyer sur le plâtre idha lam yata'adda bi shaddiha mawdi' al-haja, s'il ne dépasse pas donc lors de la pose le besoin nécessaire, ila an yahullaha, il dit jusqu'à ce qu'il l'enlève. Donc il n'y a pas de durée déterminée pour essuyer sur le plâtre. Il n'y a pas 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. Ça concerne le khouf. Et pourquoi? Notamment parce que ce n'est pas une rukhsa, c'est une azima. Ce n'est pas une dérogation. C'est quelque chose, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire, puisque c'est ton état. Donc il est permis d'essuyer sur le plâtre, même un mois, deux mois, toute la période pendant laquelle le plâtre restera donc sur le membre. Et donc de même pour la prothèse, on avait parlé de ça. Pour quelqu'un qui a une prothèse par exemple, pour quelqu'un qui a une prothèse sur un membre, quelqu'un qui a le bras coupé par exemple, mais il n'a pas le bras complètement coupé. Il lui reste quelques centimètres après le coude. Il lui reste 2-3 centimètres après le coude. Et il a un bras donc artificiel qui part d'au-dessus du coude avec un faux bras et une main en plastique. Lorsqu'il fait ses ablutions, est-ce qu'il lave ce bras-là en plastique? Non, il ne lave pas ce bras-là en plastique. Est-ce qu'il l'essuie? Il ne l'essuie pas non plus. Ce bras, son absence et sa présence sont équivalents. En revanche, la partie qui est après le coude, les 2-3 centimètres restants du bras d'origine, sont désormais recouverts par la prothèse. Au moment des ablutions, il est obligé d'enlever sa prothèse pour laver la partie restante du bras d'origine, s'il peut et s'il n'y a pas de mal à cela. S'il n'y a pas de mal, de conséquence par rapport à sa santé. Si jamais il ne peut pas, il est obligatoire d'essuyer toute la partie de la prothèse recouvrant la partie restante du bras d'origine. Il dit ensuite, وَالْرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَى. Il dit, et l'homme et la femme sont équivalents dans cela. Donc dans l'essuyage des khoufs, c'est quelque chose qui est permis donc pour l'homme tout comme pour la femme. L'essuyage sur Al-Jawrab, les chaussettes, pas celles d'aujourd'hui, mais celles qui existaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam et qui n'existent quasiment pas aujourd'hui. Mais entre là-dedans, dans les khoufs, par exemple des chaussures qui montent au-dessus des chevilles. Des chaussures qui montent au-dessus des chevilles. Notamment les femmes ont beaucoup de chaussures qui montent au-dessus des chevilles. Donc est-ce qu'il est permis, si on a mis ces chaussures en état d'ablution, d'essuyer dessus? Oui. Et de prier dedans? Oui. Il est permis d'essuyer sur ses bottes. Et ensuite de prier dedans. Même s'il y a des chaussettes en dessous. Même s'il y a des chaussettes en dessous, car la présence de ces chaussettes et leur absence sont équivalents. Car ce sont des vêtements sur lesquels il n'est pas permis d'essuyer. De même des baskets qui montent au-dessus des chevilles. Les chaussures, les baskets qui montent au-dessus des chevilles, si elles ont été mises en état d'ablution, c'est permis. Donc d'essuyer dessus. De même les chaussures de sécurité, majoritairement elles montent au-dessus des chevilles. Il est permis d'essuyer sur ces chaussures-là si elles ont été mises en état d'ablution. Et elles entrent dans le khouf, dans le sens législatif, car ce sont donc des vêtements qui sont mis au niveau du pied et qui répondent surtout aux critères qu'on avait cités. Imkaniyatu muwasalatul mashi alayh. Il est possible de marcher avec. Il est possible de marcher avec, ce qui n'est pas le cas des chaussettes fines contemporaines. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ar-rijalu shaqa'iqun nisa. Non, il dit le contraire, pardon, an-nisa'u shaqa'iqur rijal. An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les équivalents des hommes. Ash-shaqa'iq, c'est le pluriel de shaqiq, et le shaqiq, c'est le frère, hein, ou bien ash-shaqiqa, c'est la sœur qui provient du même père et de la même mère. Le même père et de la même mère. On appelle ça donc un shaqiq. Akhi ash-shaqiq, mon frère ash-shaqiq. J'ai le même père et la même mère que lui. Ukhti ash-shaqiqa, c'est ma sœur, donc elle a le même père et la même mère que moi. Le prophète alayhi salatu wa salam dit an-nisa'u, les femmes, shaqa'iq ar-rijal. C'est-à-dire qu'ils sont les équivalents. Et donc dans la sharia, tout ce qui est légiféré pour l'homme est légiféré aussi pour la femme, sauf s'il y a preuve venant montrer que cette chose-là est spécifique aux hommes et donc interdite à la femme, ou bien que cette chose-là est spécifique à la femme et donc interdite à l'homme. Il dit ensuite illa anna al-mar'ata la tamsahu 'ala al-imama, sauf que la femme n'essuie pas sur la imama, car le turban fait partie des vêtements spécifiques à l'homme, et lorsque la femme met un turban, elle est dans le péché, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la femme de ressembler à l'homme et l'a même maudit. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal, qu'Allah maudisse les femmes qui ressemblent aux hommes. La ressemblance peut avoir lieu par les gestes, par une démarche masculine, par la manière de parler, et aussi par la tenue vestimentaire. Et le fait qu'une femme mette une imama, ça entre dans la ressemblance à l'homme, et cette ressemblance est interdite, et les dérogations ne peuvent être utilisées pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant la question de la sœur, tout à l'heure, « لم أفهم قضيته إذا فقد أحدنا وضوءه قبل السفر » Je n'ai pas compris donc le point lorsque l'un d'entre nous perd ses ablutions avant le safar. « ثم بدأ سفره » ou « سفره » ماذا يفعل ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc lorsque quelqu'un, donc il fait ses ablutions, il lave ses pieds, il fait ses ablutions les normales, là, de base. Il met ensuite ses khouf. Il met ensuite ses khouf. Il perd ses ablutions. Nous, on avait dit que le décompte de la durée commence à partir du hadith. Donc, il perd ses ablutions. Le décompte de la durée commence là. Commence. Il part maintenant en voyage. Il part en voyage. 12 heures après le hadith. 12 heures après le hadith, il part en voyage. Est-ce qu'il lui reste 12 heures? Parce qu'on va prendre en considération la durée, donc le décompte d'un résident, donc 24 heures. Ou bien est-ce qu'il lui reste 2 jours et demi? Parce que une demi-journée s'est écoulée en état de résidence. Et désormais, on prend un décompte de voyageurs. Donc, il lui reste 2 jours et demi. Donc, on a dit la règle, le doute dans la dérogation impose le retour à la base. Quelle est la base dans cette personne? C'est la résidence et non pas le voyage. Donc, on va lui dire de décompter comme s'il était en résidence. Donc, il lui est permis d'essuyer encore pendant 12 heures parce que 12 heures se sont écoulées. On lui dit pas, il t'est permis d'essuyer donc 2 jours et demi, même si c'est l'avis majoritaire, ça d'essuyer 2 jours et demi encore. Il lui reste, c'est-à-dire il peut avoir un décompte de voyageurs. Et c'est, ils se sont basés beaucoup sur la prière. On avait dit que la prière, lorsque l'Eden a lieu et que tu es en état de résidence et que tu pars en voyage et que tu n'as pas encore fait ta prière, donc en état de résidence, c'est l'heure du dhuhr. Et l'heure du dhuhr est entrée. Et tu pars en voyage sans avoir fait le dhuhr en état de résidence. Est-ce que tu le fais 2 rak'at en voyage ou bien 4 rak'at? La majorité dit 2 rak'at. Mais certains disent non, 2 rak'at ce n'est pas valide, tu es obligé de faire 4 rak'at. Donc le plus sûr, Allah alam, c'est quand même de faire 4 rak'at. Et surtout l'ihtiyat, la précaution dans l'ibadah, c'est quelque chose d'important. Pas suivre les rokhas comme ça. La précaution, c'est important. Pourquoi? Parce que ici, ce qui est pris en considération, c'est l'acte de la prière. Donc la prière, elle est faite en état de voyage, donc à ce moment-là, il t'est permis de la faire 2 rak'at. Mais ici, nous, ce qu'on prend en considération, c'est simplement l'essuyage de manière isolée ou bien on est en train d'analyser la période qui est à cheval entre la résidence et le voyage. On est en train de parler de résidence. Donc ceux qui ont dit, il peut maintenant faire un décompte de voyageurs puisqu'il est en voyageur, ils ont dit, c'est comme la prière. Mais là, ce n'est pas l'acte simplement d'essuyer dont on parle. Car l'essuyage, en réalité, en lui-même, il ne change pas. Quand tu es en voyageur, ou bien tu es en résidence, c'est l'essuyage qui change, ou bien le décompte de la durée? C'est le décompte de la durée. Et le décompte de la durée, il est à cheval entre la résidence et le voyage. Tout comme une personne qui dit « Allahu Akbar ». Donc, il commence sa prière en résidence et qui ne la termine pas avant d'être en voyage. Il arrive ensuite en statut de voyageur, on avait donné l'exemple tout à l'heure, et il se retrouve en voyage et il n'a pas donc fini sa prière. Et notamment, il n'a pas fini 2 rak'at. Notamment, il n'a pas fini 2 rak'at. S'il en a la 3e rak'at, il n'a plus le choix. Il ne peut plus maintenant faire 3 rak'at. Il est obligé de terminer ses 4 rak'at. Mais s'il n'a pas fini encore ses 2 rak'at, est-ce qu'il peut dire, maintenant je suis en voyage, donc je fais le salam au bout de 2 rak'at, ou bien parce que j'ai commencé ma prière en état de résident et qu'elle est désormais à cheval entre la résidence et le voyage, je dois la finir au nombre de 4. Il a fini au nombre de 4. Il a fini au nombre de 4. Donc ici, ce qui était étudié, c'est la durée et non pas l'essuyage. Inch'Allah, j'espère avoir été clair. Je vous avais le mail si vous voulez poser des questions. Allah alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.